pire, ce que je viens foutre en France. Traverser les kilomètres pour saisir ma chance. À l'endroit, je grandis, je le visite qu'en vacances. La France, on dirait pays de rêve. Le 13, Marseille, du soleil et de la mer. Ce qu'on pourrait dire du point de vue touriste. Sur 100%, on dit c'est cool, mais 90, c'est triste. J'insiste sur mes paroles, même si certains veulent dire mes gens. Mais ils savent que pour eux, je ferai couler mes sang. Je suis pas un mec trop calme, mais je cherche pas de merde. Je fais que prendre de premier coup à tous ceux qui m'emmerdent. J'ai connu du bien, du mal, et je veux encore en connaître. Je suis un immigré, et je suis fier de l'être. Ça commence, c'est ferme ta gueule, apprends pas les français. Mais au bout de 2 ans, ces gens écoute mon air rapé. Je connais le loi de rue, et le loi de rue me connaissent. Dans ma vie, je dois bouger. Et ça brûle la graisse, les gens me disaient calme-toi, on est ici en France. Tu pâches-toi alors, il faut que tu gardes ta place. Mais maintenant elle traîne par terre et nettoie la crasse. Maintenant je suis ici, alors je m'en bats la rage. Je m'en bats les couilles, ce que les gens disent. Que me proche, pourquoi ils visent. Pour mon accent, pour mes paroles, mes chansons sur le disque. Je suis débarqué ici pour monter d'un bas là-haut. Pour que tout le mur soit marqué de lettres mots. J'oublie pas mes racines, même si ça fait peu de temps. Il me paraît 3 jours, mais ça fait déjà 3 ans. Mais je plaigne pas, car y en a c'est encore pire, comme on dit chez moi, Katiel est juste cassive. Je suis un soldat des pousses, un immigré parmi les millions. J'ai vite compris, je dois battre dans la société des cons. C'est moi qui fais ma place dans mon domaine et je m'efface pas. Regardez-moi, y'a beaucoup de gars comme moi qui essaient de faire la face à la vie qui les écrase, mais ils ne tournent jamais le dos. La rencontre face à face, même si je ne représente pas l'Afrique. Ici, mon couleur de peau, loin de sombre comme l'Amérique. Le rap dans mon sang, rien à foutre de la critique. Et quand je parle de mon pays, c'est sûr que je m'applique. Je suis métissage d'univers brut sans élégance. Un ukrainien qui fait du rap depuis 3 ans en France. Hors la tendance, je m'en fous d'avoir l'audience. Je dis ce que je pense pour alourdir ma lance. Nos vertiges prennent un big jump, as-tu compris le sens? N'oublie pas tes racines, même si ça plaît pas, apprécie-le. Ça fait mal, mais c'est inutile de penser que de se mélanger aux autres, ça sert à beaucoup mieux. N'oublie pas tes racines, même si ça plaît pas, apprécie-le. Ça fait mal, mais c'est inutile de penser que de se mélanger aux autres, ça sert à beaucoup mieux. Je sais d'où je viens, ça permet de garder ma tête haute. Je suis pas meilleur ni pire, je suis un homme parmi les autres. Mais vexant, pour le taf, quand il voit, c'est bon. Quand il m'attend, je suis pas pris à cause de mon accent. Quand ma meuf, mes pesants, ses parents, ils croient d'avoir un français. Mais ils ont un immigrant, croyant savoir plus sur mon pays que moi. Pouvoir résoudre les problèmes sans provoquer des gars. Depuis 12 ans, je me bats là-bas, contrôler c'était fasciste. Et je continue ici, contrôle le mouvement raciste. Je vois pas de couleur, je vois juste l'origine différente. C'est pour ça que j'accueille le FN, le PEN et tous leurs militants. En passant pas tous les suceurs qui s'imaginent le roi du monde. Leur nombre est égal au mec qui le supporte. La catastrophe de Tchernobyl, t'arrêtes pas de te marrer. Pourquoi tu te marres pas des faits de la rade marée? Je suis pas là pour t'apprendre, mais juste te faire comprendre. Les gens comme moi constituent un 10e de la peuple en France. Dans mes bagages, les rêves n'ont réalisé et n'ont suivi. Je suis pas les seuls de penser que peut les réaliser. Si on a une limite comme les gens qui passent la frontière dans un camion, pas comme les Hongrois qui veulent du caviar et se trouvent à Matignon. Y'a que la vérité, j'ai plus loin le bouchon. Je cuisine ma vie, mais pas avec les recettes de Robuchon. Trop chaud, je lui dis ce que dur, changer à bloc. Y'a Stalma et Cornita, Mouyehan, Navastok. J'ai trop de choses à dire et je continue d'écrire sur pseudo égalité. Ces détails sont tactiques, fouilles de jeunes lycées. Mais la racasse et l'Elysée pour mieux nous contrôler. Envoie encore plus de flics, bienvenue dans la réalité. J'ai pas le temps de rêver, j'ai fait mes 18 ans. Mais hier, je savais pas marcher, j'ai dû grandir trop vite. Car ces putes m'ont pas laissé le choix. Tu te demandes pourquoi j'ai pris de quoi dessous de la ceinture. Pourquoi les Suisses ne vont pas pour voir le quart de ce jour. J'ai tout ce mal, j'ai une poussière dans mes yeux. Moi je vois clair, car que s'en donne la main sans se faire tenir la queue. J'ai dernière chose à dire aux députés à Chirac. Je me sentirai chez moi quand les vigiles vont arrêter de fouiller mon sac. N'oublie pas tes racines, même si ça plaît pas, apprécie-le. Ça fait mal, mais c'est inutile de penser que de se mélanger aux autres, ça sert à beaucoup mieux. N'oublie pas tes racines, même si ça plaît pas, apprécie-le. Ça fait mal, mais c'est inutile de penser que de se mélanger aux autres, ça sert à beaucoup mieux. Порядок выше, слышишь? Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Говорят, отсюда надо сваливать, по идее, встать на ноги, завести семью, растить детей. И может это правильно, но прошлое не может быть оставлено и брошено, позже найдено. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Не забывай свои корни, помни, есть вещи.